J'ai pris ma caisse, je me suis dit, je vais me barrer. Oh, trop de choses dans mon crâne s'agitaient. Je suis rentré dans un bar pour aller m'y noyer. Tout de fait, j'aurais mieux fait de rester. Je suis là affalé comme une éponge impossible à essorer. De fait, j'suis là, yeah, yeah. Tout le monde fait, yeah, yeah, yeah. J'en ai trop marre de me laisser aller. J'suis planté dans ce bar, j'ai même pas quoi payer. J'vais pas tarder à me faire jeter, à me faire prier. Fait, j'aurais mieux fait de rester. Je suis là affalé comme une éponge impossible à essorer. Changer, mais quand je crois du noir, je ne peux plus bouger. Tout compte fait, j'aurais mieux fait de rester. Je suis là affalé comme une éponge impossible à essorer. Tout compte fait, je suis là. Yeah.